975 A, 3e avenue, Limoilou. Traficandart.com. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté, le chef d'orchestre à la mise en onde, derrière son grand pupitre dans les nouveaux studios rénovés, studio Denis Barry. Et également, on a en entrevue Stéphane Desbiens du groupe The Deep Project. Salut Stéphane. Salut, ça va bien? Eh oui, un des groupes qui va se présenter. En fait, il y a deux groupes qui vont faire un spectacle dans deux semaines, jour pour jour. Samedi le 5 octobre. C'est ça. Et c'est The Deep Project et Red Sand, deux groupes de Québec qui rayonnent à l'international. Là, l'année passée, toi, tu étais allé là-bas en France chez Red Sand. On a été invités en Allemagne. C'est ça. Et bien là, nous, on a la chance de les voir ici à Québec, les deux groupes ensemble, dans une même soirée. Oui. Hein? Et ça va coûter seulement 25 $, imaginez-vous donc, pour voir deux groupes de Québec. Deux groupes, un spectacle, puis même vous allez faire des pièces ensemble. Là. Exactement. Parce que là, les deux groupes vont être sur scène, fait qu'il va y avoir deux drummers. Deux drummers, c'est ça, deux setups de drums. Deux bassistes, deux guitaristes, parce que vous êtes guitariste, toi, puis c'est Simon. C'est ça, on mélange les instruments, puis on va s'amuser avec ça, là. Ça, c'est à ne pas manquer. Hein. On va le rappeler tantôt, mais on peut le dire tout de suite là, que les billets sont en vente. Puis En vente sur le pointdevente.com. Vous pouvez vous procurer des billets là. Et puis, c'est sûr qu'à la porte... C'est à la salle Sylvain Lelièvre. Oui, une très, très belle salle avec l'éclairage et du son à profusion. Oui. Puis est-ce que c'est des étudiants qui travaillent sur l'éclairage puis la scénographie, tout ça? Il va y avoir certains étudiants qui vont travailler, mais on a... Puis vous avez vos projections. Oui, c'est ça, nos montages vidéo... Donc, ça risque d'être une belle soirée en perspective. J'ai reçu cette semaine le magazine belge Progressiste, numéro 97. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Là, j'ai à peine eu le temps. Il y a deux compilations qui viennent avec ça, tout ça. Mais il y a une chronique de The Deep Project, justement, qui disent... je viens de l'apprendre. Je sais que je viens de te l'apprendre. Oui, c'est ça. Puis, c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. C'est le fun. Mais justement, je pense qu'on va écouter une pièce de ton plus récent album, là, qui s'est bien classé. Oui. Là, dans Progressiste, là, il considère que c'est ton meilleur, mais moi, je pense aussi que c'est ce que je pense moi aussi. Je pense la pochette, tu m'avais dit qu'il y a un trou de la pochette. Oui, c'est ça. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'est la plus belle pochette des parutions 2018 là, dans le rock progressif. C'est le fun. Bon, fait que, puis il a aimé l'album, tu me dis. Oui. Mais là, justement, tu me disais qu'il y a une réédition, en tout cas, on pourra en parler après, une réédition de la pochette de ton plus récent, Find Your Son. On va y aller avec la pièce Find Your Son, justement, puis on revient. On continue à discuter de votre spectacle. Parfait. Thank you. Avez-vous reconnu The Deep Project? C'était l'excellente pièce Find Your Son, la pièce titre de ton plus récent album. Exactement. Puis j'ai devant moi une réédition, en fait c'est en digipack. Oui. Parle-nous de ça un peu, ça a été, comme tu disais, édité par une maison polonaise. Oui, polonaise, ça vient de Pologne, l'exemplaire que tu as. La pochette est un petit peu est un petit peu différente, ils ont fait ça en digipack, parce que, d'ailleurs, ça va être disponible pour ceux qui veulent s'en procurer lors du spectacle, là. On va avoir les deux formats. Et puis c'est ça, c'est une compagnie, Oscar CD en Pologne, qui a réédité toutes les D-Project. Wow. Donc en digipack. Fait qu'avec ça, on a toutes les paroles, évidemment. C'est ça, toutes les paroles qu'il n'y avait pas. Un ajout de graphisme. C'est puis ça. La pochette est vraiment belle. Oui. Puis, comme ça, tu dis, tous tes albums ont profité de cette édition-là. D'une réédition, mais, c'est ça. Mais c'est les mêmes masterisations. Même chose, sauf que c'est les pochettes qui Surtout sont Surtout que toi, tu avais fait masteriser ça aux Pays-Bas, là. Pas aux Pays-Bas, plutôt en Angleterre. En Angleterre, on parlait de Andy Jackson, le gars de Pink Floyd, là. Fait que tu touches pas trop au mastering. Ouais, c'est ça. Le mastering est certainement bien fait. Ouais, hein? Si tu es allé chercher le gars qui fait la masterisation pour Pink Floyd, quand même. C'est pas rien. C'est ça. C'est pas rien. Et puis là, c'est ça, on parle de votre spectacle. Oui. Donc, dans deux semaines, jour pour jour, là, samedi le 5 octobre. 5 octobre, oui. À la salle Sylvain Lelièvre. Comme tu disais, comment ça va se dérouler un peu ce spectacle-là? Raconte-nous ça. Là. Il va y avoir Red Sand d'abord. Est-ce que c'est eux qui commencent? Oui, c'est eux qui commencent. Moi, j'avais vu... J'ai mixé leur dernier album. Et puis, je les ai vus en spectacle après. Ils ont fait un spectacle au mois d'avril. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Et puis là, d'où l'idée de pourquoi pas faire les deux bandes ensemble dans une grosse salle. Parce que je trouvais qu'on match. Bon, je connais bien Simon aussi de Red Sand, et puis on était d'accord sur ce concept-là. Puis on vraiment là, que ça allait être trippant là, pour l'énergie que ça allait dégager, puis pour le monde de voir deux bandes de Québec ensemble. Ouais, puis chacun va jouer sur les pièces de l'autre. C'est en ça plus, qui va être le fun. Oui. Ouais, c'est ça. Là, parce que comme tu me disais, après ça, il va y avoir des projects qui vont monter sur scène. C'est ça. Puis là, Red Sand vont venir vous rejoindre. Ils viennent nous rejoindre. Vous allez jouer des pièces de l'un et de l'autre. C'est ça, exactement. Je pense que chacun des groupes, vous revisitez pas mal des pièces de pas mal tous vos albums. Hein? Oui, exactement. Oui. Je sais que Red Sand aussi vont faire pas mal de leurs anciens albums, du stock, du nouveau. Ils font du nouveau matériel qu'ils n'ont pas fait en spectacle. Ça fait un petit bout de temps. Parce que chacun, vous avez au moins 5 albums. Oui, c'est ça. Même plus chacun Red Sand, plus d'albums. Ben oui. Et puis, on peut aller piger là-dedans. Donc, on a un bon répertoire. Nous aussi, on a changé, parce qu'on a joué l'année passée, donc on a changé un peu aussi le répertoire. OK, là. Donc les auditeurs qui ont pu vous voir, là, c'était au Cégep Sainte-Foy, là, ça va être différent. Ça va être différent, c'est ça. Oui. C'est sûr qu'il y a des pièces qu'on aime refaire, donc on va refaire, mais il y a des nouvelles pièces J'espère. Aussi. Ouais, et puis, Red Sand aussi, là, c'est un autre spectacle. Donc, et puis, vous allez avoir deux batteurs sur scène, c'est ça, en même temps. Parce qu'eux, vous êtes quatre musiciens. Oui. Eux, ils sont cinq. C'est ça. Donc, on va se mélanger, puis on va voir. Peut-être que ça va être le bordel, mais... Et c'est ça, là, pendant que, par exemple, tu vas jouer avec Red Sand, tu ne seras pas nécessairement à la guitare, parce que toi, tu es guitariste, mais là, c'est possible que tu prennes d'autres instruments. Moi, je vais aller au clavier avec Red Sand, parce que sur l'album, sur un des albums de Red Sand... Je fais des claviers, okay. C'est ça. Donc, on revisite un petit peu tout ça. Là. Hey, ça va être le fun. Vraiment. Hey, on a bien hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de la formation là, pour un spectacle? Nous, je sais que... Il y a ton fils qui joue la basse avec toi. Oui, Philippe, ton confrère Jean. Jean évidemment. Qui est là depuis 2008. Donc, ça, c'est là, formation tu me disais, on va avoir une... une nouvelle violoniste. C'est une nouvelle, OK. Ouais, je savais pas nouvelle. Nouveau, non, nouvelle. Une nouvelle. Une nouvelle violoniste. C'est ça. Donc, le violon, c'est vraiment quelque chose, moi, dans Deep Project. J'adore. Là. Ouais, c'est avec ça qu'on a une couleur différente. C'est ça qu'on se démarque. Là, Red Sand, c'est plus les claviers, mais c'est plus les claviers, c'est violon, ça. Là, ouais. Et puis, il y a la guitare de Simon aussi dans Red Sand qui est pour beaucoup. Là. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Mais vous allez voir, ça va être. Parce que là, vous avez pratiqué les deux bandes ensemble. Pas encore. Mais on pratique chacun de notre bord. Mais quand on va arriver ensemble, on sait quelle tune, quelle chanson qu'on va faire. On a hâte d'entendre ça. Et je pense que ça va être très, très bon. Justement, parlant de Red Sand, ben, ils ont sorti leur nouvel album. Là, ça avait été présenté. Ils étaient venus avec Jean-François en entrevue. Oui. On va écouter une pièce de Forsaken. Peux-tu me prêter la pochette, Bruno? Maintenant qu'on est à studio ouvert, c'est beaucoup c'est plus ça, pratique. Hein? C'est vraiment... Bientôt, Bruno, il va même nous jaser ça. Animé, oui. Ou on va l'entendre dire oui, oui. Ou rire ou quelque chose. C'est ça. C'est ça, c'est la pièce Afraid of Tears. Yeah. De leur album Forsaken qu'on va écouter de Red Sand, puis on vous revient encore pour un mot de la fin, parler encore de ce spectacle qui va avoir lieu dans 2 semaines. Wake up and see the snow in the sky. Something that was over and over.

Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy. Ad Astra. Bob Bissonnette, rockstar pis pas à peu près. Ciné-voyage présente Chili et Patagonie. Le Signe de Cristal. Downtown Abbey. Fourmis. Mathias et Maxime. Le Royaume des Abeilles et Vers les Étoiles. Et au Clap Loretteville. Ad Astra. Bob Bissonnette, rockstar pis pas à peu près. Ciné-voyage présente Tanzanie. Le Royaume des Abeilles et Vers les Étoiles. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Ils rentrent dans ce spectacle-là, dans cet espace, on appelait ça comme un espace blanc, un genre d'instant suspendu. Blizzard, le souffle de Flip Fabrique. On avait comme envie qu'on puisse avoir une forme fermée, disons un prisme, là, tu sais, qui est vraiment, les arêtes sont très claires, puis tout ça, pour avoir un genre de blizzard à l'intérieur, que ce prisme-là puisse se déplacer. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Et de retour avec vous à Terra Incognita sur les ondes de CKRL. Est-ce que vous avez entendu? C'était la musique de la formation de Québec de Deep Project. Puis justement, on a Stéphane Desbiens qui est avec nous. Stéphane, vous allez donner dans deux semaines un spectacle en programme double avec la formation Red Sand aussi de Québec. C'est ça, exactement. C'est la salle Sylvain Lelièvre là, du Cégep Limoilou. C'est ça, exactement. Et c'est seulement 25$ là, pour voir les deux spectacles, les deux groupes qui se présenteront chacun et ensemble aussi. Oui, là, 8 musiciens sur scène. Wow. Ça va être tout un spectacle. Ça n'arrive pas souvent. Là, non, ça n'arrive pas souvent. Des événements comme ça. Là, en plus, deux drameurs, ça me rappelle Genesis. Oui, oui. J'ai bien hâte d'avoir ça. Ça va être une belle expérience. Là. C'est à ne pas manquer. Et merci d'avoir été avec nous et nous présenter cette belle musique. Ouais, ben merci à vous. Oui. Puis je sais que tu vas, après ça, travailler sur la composition d'un nouvel album. Oui, bien, je pense aussi. Moi, je vais travailler de mon bord, puis il y a aussi Red Sand qui travaille déjà sur du nouveau matériel. Donc, c'est prometteur. C'est très prometteur. Puis on vous attend tous le 5 octobre, les amateurs de rock progressif, d'encourager deux bandes de Québec. Deep Project et Red Sand. Donc, on vous attend. Certainement. Bien, merci d'avoir été des nôtres. Puis, c'est toujours un plaisir. Prochaine fois, prochain album, on va se reprendre pour et nous, faire découvrir ça. On se voit au spectacle. Ouais, Bruno et Marc. Oui. Exactement. Exactement. Eh bien, là, on va y aller avec. On a beaucoup de nouveautés. Là. Tu sais, quand tu arrives en septembre, les groupes, là, ils en profitent pour sortir leur album. Des fois, ils ont entendu un peu, tout ça. Puis là, c'est la rentrée culturelle pour tout le monde. Fait qu'on a un paquet de nouveautés. On va débuter avec une formation italienne. C'est une nouvelle formation des jeunes musiciens, Opera Mediterranea. Alors, ça, c'est l'album Isolé. Ça vient de paraître il y a vraiment quelques semaines. Et on ira également avec le groupe américain de Psychedelic Ensemble. Ça, c'est une formation américaine pour laquelle le nom des musiciens n'est pas divulgué. Ça fait plusieurs albums là, qu'ils réalisent. C'est leur sixième album. Celui-là s'appelle Mother's Rhymes. Puis c'est celui-là est beaucoup plus folk. Là. On pense un peu à Jethro Tull par moment. Très folk, mais aussi très dense là, au niveau de l'orchestration. Et également, la nouveauté Cellar Noise. Michel vous a fait jouer ça en primeur la semaine dernière. Là, Cellar Noise, la formation d'Italie. Et ben, on aura également une pièce de leur nouvel album, là, Nautilus. On y va tout de suite en musique avec Opera Mediterranea. Nella guerra della fame non ci sono santi. guadagnare più di quanto spendi. Quanto costa un'isola? Mentre stai annegando, chiudi gli occhi, cosa senti? È il tempo che ti sta scappando. Sveglia le campane di una chiesa, frammento di una via distesa tra la terra e il mare, un'attesa che dura da una vita, un tempo da abitare. Di un ricordo fior di pelle, le tue stelle sparpagliate in un cielo sempre uguale, fa male. can help you. Wait, my name is Poppy, and I can help. Don't leave. I know why you weep. And I am Simon. No bound rhyme. Let's see each other. My mother's rhymes. We'll be right back.

et on a écouté la pièce Streets of Empathy. Michel vous avait fait jouer de Shadow, qui suit juste après, en fait, celle qui vous a fait jouer. Puis moi, je vous propose les deux dernières pièces, là, où on revient sur Streets of Empathy, reprise à la fin, là, du disque. C'est assez court, là, un court segment, mais ça coule. C'est un très bien fait, franchement. Lifelong Journey, un album éponyme de l'Italie. Juste avant, c'était Serenoise, la nouveauté de Serenoise que Michel vous a présenté là, en primeur la semaine dernière. C'était probablement une primeur en Amérique d'avoir ça d'avance. Donc, de leur album, leur nouvel album, Nautilus. Et c'était... ensuite, ben, allez faire un tour sur notre page www.ckrl.qc.ca dans la section programmation et vous accédez à notre page, donc www.terraincognita.québec. Également sur Facebook, abonnez-vous à notre page Facebook et vous avez des nouvelles qui sont publiées presque quotidiennement sur le rock progressif. On avait eu The Psychedelic Ensemble, comme je le disais, c'est tiré de Mother's Rhyme, ça vient de sortir aussi. Et également Opera Mediterranea qui avait débuté et qu'on aura un second extrait dans l'émission un peu plus tard dans la dernière demi-heure. Alors on va y poursuivre avec donc un court extrait encore de Lifelong Journey. Ensuite, ce sera la nouveauté de Sirius Bay. Sirius Bay, un groupe qu'on affectionne quand même. On a fait jouer pas mal des États-Unis. On a fait jouer pas mal chacun de leurs albums depuis plusieurs années. C'est leur sixième album depuis 2008, The Art of Vanishing. Un album qui est principalement instrumental, mais il y a aussi au moins trois pièces qui sont chantées là, avec un chant masculin et féminin partagé. Alors on aura sur... Mais celle-là là, que j'ai choisie ce soir est instrumentale, un peu Canterbury. Là. C'est pour ça que ça a été mon coup de cœur, la pièce de North Country de Sirius Bay. On aura également le groupe de Montréal ou du Québec, Mangeurs de rêves, et la pièce Dernier hiver. Et probablement aussi un deuxième extrait là, du groupe italien Spherathons, que Michel vous a présenté la semaine dernière, tiré de Happonti di Viaggio. Alors on y va tout de suite en musique avec Lifelong Journey. Now that can temps de mettre fin au fait au cynisme et à tout ce qui se met en chemin. J'ai vu demain, c'était pas comme je pensais, il y avait de quoi pareil.

après une pause estivale. Les soirées techno de Prisme sont de retour à la salle de spectacle Le Dauteuil du 228 Saint-Joseph-Est. Ne manquez pas la première le samedi 28 septembre avec, entre autres, la DJ Christine de Montréal. Rendez-vous sur le Facebook de Le Dauteuil sur ledauteuil.ca pour plus d'infos sur l'événement et pour voir notre programmation complète. De retour pour cette demi-heure de Terra Incognita, on jette un petit coup d'œil en arrière sur ce qu'on vient d'écouter. C'était Sphaerotons, groupe de l'Italie, nouvelle formation, Appunti di Viaggio, hein, qu'on pourrait traduire par les notes de voyage, voilà. Et c'était la pièce titre de l'album, Appunti di Viaggio. Juste avant, le groupe du Québec Mangeur de rêves. Tiré de l'album, Histoire à l'envers, voilà. Et c'était la pièce Dernier hiver, voilà. On avait eu juste avant Sirius B, tiré de leur nouvel album The Art of Vanishing, et c'était la pièce. Laissez-moi regarder les Northern Country, voilà. Alors on y va tout de suite avec un deuxième extrait de la nouvelle formation là, italienne au Proméditerranéa, tiré d'album Isola, ça va être la pièce Lettera. On aura également nouvelle formation des États-Unis de Light in the Ocean, ça c'est tiré de l'album éponyme de Light of the Ocean. Ça vient juste de paraître. C'est une pièce instrumentale intitulée Space Suit. On aura également du Oak de l'Italie et du Istar de l'Espagne. Alors on y va tout de suite avec Opera Mediterranea. Oh,

groupe espagnol Isar, tiré de Pequeño Sinfonia Africana. C'est leur quatrième album. Alors, juste avant, il y avait eu la formation Oak, Oscillazioni Alchimico Creative. Ça apparaît sur le CD compilation qui vient avec Rock Progressif Italiano Volume 2 que Michel Bilodeau a écrit. Il y a une compilation, donc c'est tiré de l'album Shaman Feet, la pièce My Old Man. On avait eu The Light in the Ocean des États-Unis et Opera Mediterranea. Alors on vous souhaite une bonne soirée. Restez des nôtres pour l'autoroute dans quelques minutes avec Jacques Dulac. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL. Communication. Culture. L'Orchestre symphonique de Québec propose un concert où virtuosité et prodige se côtoieront. Au programme, l'incontournable et flamboyant concerto pour violon de Tchaïkovski. Pour s'y mesurer, nul autre que Blake Pouliot, qualifié par le Toronto Star d'un de ses talents spéciaux que l'on rencontre une seule fois dans une vie. Le jeudi 26 septembre au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec, partenaire de saison. Le 24 septembre prochain, ne ratez pas une nouvelle soirée Pecha-Kucha Québec, construite autour de la thématique force. De la force physique aux forces naturelles, de la résilience au hasard, c'est une douzaine de personnalités issues de tous les univers créatifs qui relèveront le défi de présenter travail, démarche, projet en 6 minutes et 40 secondes, accompagné par 20 images défilant de façon automatique à chaque 20 secondes. Venez profiter de cette bouffée de créativité au Maelstrom Saint-Roch, le 24 septembre, 19h. Entrée 5$. Information bit.ly/PK Québec. C'est la rentrée à la brasserie artisanale La Korrigane et on t'a concocté une nouvelle programmation. Tout au long de l'automne, venez apprendre, découvrir ou vous amuser avec nous autour d'une bonne bière artisanale. Impro, soirée dansante, conférences, spectacles, projections de films, party. Il y en aura pour tous les goûts. Pour plus d'infos, korrigane.ca. La Korrigane, au cœur de la vie du quartier Saint-Roch. Les trafiquants d'art à Limoilou sont les spécialistes dans l'encadrement sur mesure, la numérisation d'œuvres de toutes dimensions et l'impression haut de gamme sur toile, papier photo, papier d'art, bois et plus encore. Que ce soit pour l'encadrement d'un diplôme, l'agrandissement d'une photo de voyage, la mise en valeur d'une œuvre qui vous est chère, ou encore pour vos projets d'exposition clés en main, les trafiquants d'art offrent un service personnalisé d'une qualité incomparable. Les trafiquants d'art, 975 A, 3e Avenue, Limoilou. Trafiquantsd'art.com. Besoin d'une nouvelle cuisine, salle de bain, amélioration de votre walk-in ou tout simplement d'avoir un meuble sur mesure? Faites affaire avec Signé l'Atelier. Ouvert depuis 20 ans, nous sommes situés au 400 rue des Rocheuses. Notre entreprise n'existe pas seulement pour vos projets, elle existe pour aider la communauté sourde au Québec, car tous nos profits sont versés à la Fondation des sourds du Québec. Faites vos réno pour la bonne cause. On vous attend. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de Rick Wakeman avec sa tournée Grumpy Old Rockstar. Vivez une soirée intime et riche en anecdotes avec le célèbre claviériste des groupes Strubs et Yes dans un concert solo qui va du classique à la pop en passant par le rock de David Bowie, Yes et les Beatles. Le 27 septembre, vivez la musique à son meilleur avec l'unique et coloré Rick Wakeman. Détails au palaismontcalm.ca. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant,